Oh, Krabman, la mouche. Venez ici. Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Je viens de découvrir quelque chose sur Internet à propos de la forêt boréale. La forêt quoi? La forêt boréale, c'est la plus grande forêt du Québec, mais d'après le documentaire que j'ai pu voir, qui s'intitule L'erreur boréale, il semblerait que la forêt pourrait disparaître Comment ça disparaît? parce qu'il y a beaucoup trop d'arbres qui sont coupés. Ah ben oui, il faut des arbres pour faire du papier, des meubles, des maisons. Oui, mais s'il n'y a plus d'arbres, ça pourrait devenir grave. Moi, en tout cas, je me demande où vont aller les animaux qui vivent dans la forêt s'il n'y a plus de forêt. C'est vrai ça, Roger. Plus de forêt, plus d'animaux. Ils pourront pas tous venir en ville. On n'a pas de place pour les ours et pour les castors. C'est très vrai ce que tu dis. C'est pour ça que dans le documentaire, il disait qu'il fallait faire attention à la forêt. Ouais, ça fait sens. Qu'est-ce que tu fais là, la mouche? Ben, je coupe un arbre pour me faire un petit feu. Ah ben, je pense qu'il y a quelqu'un qui t'a pas ben ben écouté, hein, Roger? En effet, je crois que la mouche n'est pas très consciente de ce qu'elle est en train de faire. De la forêt, tous les animaux se sont sauvés, ils se sont tus, on ne les voit plus, tous les animaux ont disparu. Les oiseaux ne savent plus sur quelle branche se poser, les ours n'ont plus d'endroit pour se cacher. Les écureuils n'ont plus d'armes pour grimper. Et les orignaux n'ont plus rien à manger. Car les humains ont coupé beaucoup, beaucoup d'arbres. Tous les animaux de la forêt, tous les animaux se sont sauvés. Ils se sont tus, on ne les voit plus. Tous les animaux ont disparu. Sans arbres, les castors ne font plus de barrages. Et les perroquets se retrouvent dans des cages. Même que si la forêt n'est pas en santé, les animaux ne pourront plus respirer. C'est plus qu'une erreur, c'est une horreur. Oui, une horreur, une horreur, une horreur, une horreur, une horreur, une horreur. Si on replantait des arbres dans la forêt, peut-être que les animaux reviendraient. Il nous faut très vite pouvoir les remplacer, car les arbres ont du temps à pousser. Si on replantait des arbres dans la forêt, peut-être que les animaux reviendraient.